Yeah. Big Black. C'est eux qui m'ont donné l'envie. C'est eux qui m'ont donné l'envie d'aller plus vite que la musique. La vie c'est pas que faire du chiffre. La vie c'est pas que faire du chiffre. Demande à tous ces grands artistes. Demande à tous ces grands artistes. Ah, ah, ah. Oh yeah. Si Ray Charles a vu son succès, Harry le temps passe et les artistes se succèdent. Moi, je me suis imposé dans le monde du hip-hop après avoir écouté des classiques comme Big Poppa. Déterminé, je me disais, qui peut me stopper? Je voulais juste innover, briller comme le king de la pop. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, danser avec mes gars et mes go sur la piste. Wow! Comme James Brown, combat contre soi-même jusqu'au dernier round. Mon entourage me répétait, ça sert à rien de te presser. Les chaînes de TV t'attendent autant qu'Elvis Presley. Ils ont comparé ma section aux Beatles. La foule nous a levé depuis notre premier battle. Shoot mon smile, Barry White. Ça c'est les sons que tu fais tourner en plein Barry by night. C'est eux qui m'ont donné l'envie d'aller plus vite que la musique. La vie c'est pas que faire du chiffre. La vie c'est pas que faire du chiffre. Demande à tous ces grands artistes. Demande à tous ces grands artistes. Ah, ah, ah, ah. Oh yeah. Je sais pas si mon public connaît le flip mode squat. Je sais juste que la concu regarde des flips qu'on squat. Ouh la la la. Je suis de l'époque où en soirée on dansait sur les Fujis. C'est quoi les boys, c'est quoi les G's? Ici le Big Black, présent pour retourner le biz. Je suis connu, tout par au noir, rebeu, tout bap. Harry n'en doute pas, j'ai les flottards, tout pack. Champion comme Freddy Mercury. Je suis dans le futur, c'est dans 10 ans que tu diras c'est de la tuerie. Hey yo les puristes, arrêtez les frangins. Le commerce elle existe depuis l'époque d'Aretha Franklin. Un passionné comme Bob Marley. Te rappelles-tu Harry quand tout est pots marais? Sur ce, je me tire, il faut que j'assure une tournée. La voix cassée, mais c'est pas celle de Tina Turner. Tout le monde dit black, tout le monde dit black. Oh, on fait les bails, on fait les bails. Oh, tout le monde dit black, tout le monde dit black. On fait les bails, on fait les bails. Tout le monde fait. Oh yeah. J'entends rien. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, attention, attention, blue. Oh yeah. C'est eux qui m'ont donné l'envie. C'est eux qui m'ont donné l'envie d'aller plus vite que la musique. La vie c'est pas que faire du chiffre. Demande à tous ces grands artistes. Demande à tous ces grands artistes. Ah, ah, ah, ah. Oh yeah. Oh, ils sont trop yeah. nombreux. Oh yeah. On peut pas tous les citer. Oh, yeah. Mais bon, je peux t'en citer quelques-uns oh, là comme ça. Oh yeah. Stevie Wonder. C'est eux qui Prince, m'ont donné Whitney l'envie. Cyndi Lauper, Marvin Gaye, Madonna, Jimi Hendrix. Et nous qu'un prix à nous, hein. Papa Wemba, Salif Keita, Youssou N'Dour. Yeah. Même chez nous, là, on a un Guinéen, il s'appelle Petit Yero. Ah, poto. Celui-là aussi, c'est une légende. Ouh. Ah. Ah. Ouh. Ah. Ah. Et puis aussi, je dirais même que Section d'Assaut est une légende. Hein? Pas vous? Non? Si, moi, je pense que si, hein. Allez, c'est dans la boîte de toute façon. Les yeux plus gros que le monde plus gros que mes yeux. Big Black M. Yeah. Stan E à la prod. Ah.